la télé. Avec les voisins d'à côté, un grand artiste et par les ennemis de l'autre cité. Tout ça pour une paire de ce quartier. Mais voilà, c'est trop cette histoire à 20 ans passés. Mais les petits veulent en terminer. Je sors de là, le daron, on trouve pleurer. Y'a plus de dialogue, c'est terminé. Et comment dire que si tu passes là-bas, tu vas te faire fracasser. Le regard droit, sourire du diable. Tout quand ça se croit joli, c'est la justice. Et le meilleur allié à la petite va te sauter. J'en suis pas plus, vous verrez la suite. C'est notre travers pour la tu grains, il a juste glissé du net quartier. Pour rien, ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté, un exemple sur leur scène. Du net quartier, du net quartier. Et toi, le regard plus de nos darons, juste pour ces du net quartier. Tu défends, mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté, un exemple sur leur scène. Du net quartier. Après se faire, ça va tirer dans son lycée. Ils sont de l'ouf, tout dans l'esprit de se venger. Mais jamais bêtement, il attendra le bonjour. Bonne journée pour les faire en bas de leur tour. Ils ont piétiné, mais maintenant c'est leur tour. Ils prennent une batte et deux ou trois outils tranchants. Plus déterre que jamais pendant le trajet. Mon avis au téléphone et une tête d'orageux. Ils en attrapent un au hasard. Une trentaine de coups de batte dans le museau. Ils s'en vont et sont fiers de leur coup. Mais dans la vie, y'a pas que eux qu'on découille. Le retour de flamme a été imminent. Donc même pas le temps de ranger les couteaux. Mais les générales au milieu de la route. Et c'est comme ça que ça se passe depuis 20 ans. À la fois c'est parti bien, il a juste laissé une lunette quartier. Pour rien ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté, c'est un exemple sur leur scène. Lunette quartier, lunette quartier. Et toi le regard plus de nos darons juste pour ces lunettes quartier. Tu défends mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté, c'est un exemple sur leur scène. Lunette quartier. calcul est grand. Les annexes à Dieu, c'est histoire de con. C'est trop pour eux, venant finir dès maintenant. Ils ont compris pour acheter le peupon. La daronne contre son fils va à l'école. Traîne en bas de la tour avec son sac à dos. A pas appris 20 ans depuis l'époque. Il n'a pas eu le temps de voir grandir son fiston. Et à force de traîner avec le gang, le petit au quartier s'est fait un nom. Il est dans le vol et la bande de drogue. Très malin, il n'a pas les flics à dos. Et c'est dans le QG que sa manigance a coulé dans les mains une paire de gants. Il y va sereinement avec 2-3 potes. Malheureusement, il sait pas ce qu'il attend. Ton truc, t'arrives là-bas à 16h. C'est simple, tu fais dur que tu demandes un verbal. Il est obligé de te faire un trafic dans le bâtiment parce qu'il n'a rien sur lui. C'est-à-dire que pendant que tu rentres dans le bâtiment, tu as une location pour piétiner. Pour le piétiner, pour lui forcer à vous montrer, il est autosmart. Il est obligé d'avoir un endroit où il cache tout ça dans ta tête. C'est-à-dire que vous allez le suivre. Vous allez être forcé à vous donner tout ce qu'il a, l'argent, le bédo, tout, vous prenez tout, on fonce, on prend tout ça, on fonce, on rentre ici tout le monde à 17h. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On fait ça? Carré? Carré? Vas-y. Il a juste pris ses lunettes quartier. Pour rien ça finit en histoire de quartier. Trop de fierté, un exemple sur leurs aînés. Lunettes quartier, lunettes quartier. Et toi t'es un gars pris de nos Carole jusqu'au c'est du net quartier. Tu défends mais ton nom remplacera pas le quartier. Trop de fierté, plein d'exemples sur leurs aînés. Du net quartier, du net quartier. Dans l'actualité, la mort du jeune Marvin Dexili, 16 ans, secoue la cité des 4000 qui subit quotidiennement les soubresauts d'une guerre entre deux quartiers. Élément surprenant dans cette affaire, William Degbélé, père de la victime, serait à l'origine des tensions qui perdurent depuis 20 ans à la suite d'un fait divers trivial, le vol d'une paire de lunettes Cartier. Les maires des deux cités voisines se réunissent aujourd'hui pour une marche blanche et se mobilisent pour lancer un appel à la paix. Stop à la violence! Réfléchissez! Réfléchissez, bon Dieu, avant de poser des actes irréparables! Quand un de nos enfants perd la vie, quand un frère ôte la vie à son frère, oh maman, nous avons une partie de nous qui meurt aussi. Deux familles sont détruites, celle du tueur et celle du tué. Avec les voisins d'à côté, un grand attesté par les ennemis de l'autre cité. Tout ça pour une paire de quartiers. Mais voilà, c'est trop cette histoire à 20 ans passé. Mais les petits veulent en terminer.